pour te porter l'œil. Ni un assassin pour mettre ta mère en deuil. T'as la main sur le cœur, moi j'ai ton cœur sur la main. Vision sanglante, tout ira mieux demain. Ils font les quinri devant leur go et crient le stop. Dépassent les limites mais ne connaissent pas celle de Kirox. À vrai dire, elle me fuit, il fut un temps où, pour tout vous dire, je ne me souviens plus. Mon BPM cardiaque accélère, tel un scélérat, tel un rat d'égout, pris au piège, sous extase. Tricoté, vomito, boycotté et boycotté, dégoûté, dégoûté, toujours les mêmes talpés. Je m'acharne sur l'espèce humaine comme si je n'en faisais pas partie. À vrai dire, seulement quelques-uns me servent si. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. J'ai le feu rouge, le poulet qui va avec. Écoute la mélodie du 9 mm. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. Mes pages noircies sont faites de mes nuits blanches. Les écrits subsistent malgré le coup de hache. J'fume du MC avec mon blunt. Graille du fuit crotti, sauce par bag, made in dirty south. La ville rose, Montauban, représente. Esquiver les obstacles, on stack dans les eaux marécageuses en attendant le moment propice. On se pisse dessus avec le sourire. Tu repars déçu ou bien mort de rire. Et c'est toujours pareil, on te renvoie l'appareil. Sans oseille pour le pire, on est pas réparé. Subtil, sous-style pour monter tout niquer dans le rap game. Bien parce qu'il est gay. Dans tous les cas, beaucoup se sentiront concernés. Voilà la cause à effet de leur reconversion. Pour la variété, le rap est avarié. Varie entre tasse, spliff et mon nez. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. J'écris le feu rouge, le poulet qui va avec. Écoute la mélodie du 9 mm. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. Mes pages noircies sont fines de mes nuits blanches. Les écrits subsistent malgré le coup de hache. Chaque soir on se tue un peu plus. On ressuscite et côtoie belles et putes. Un œil dans le rétro, l'autre dans le viseur. Si tu rétrogrades, je tâte l'accélérateur. Dans le rétroviseur, il n'y a que des points de lumière qui s'éloignent et annoncent qui est le meilleur. Et d'ailleurs, on veut de l'or estiré ailleurs. Là où règne en maître la paix intérieure. Qui voulait la mettre en disant Jockey Rocks ne ferait pas quelques mètres dans ce putain de fucking game. If you want smoke, I have a joke. I'm the Joker, you can go puke. Prends le stylo, garde le style même sous vide. L'encre dans le big, pas de gras dans le bide. Même en live de la mort ou avec un cathéter. Trace une ligne vers le haut, tu dessines ma carrière. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. J'ai le feu rouge, le poulet qui va avec. Écoute la mélodie du 9 mm. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. Mes pages noircies sont fines de mes nuits blanches. Les écrits subsistent malgré le coup de hache. Si tu rap jacking, king king, fais crisser les pneus sur le parking. Qui rock sur le ring, pas de parking. Sonne l'alerte dans la zone. Mystic record. Boire pour les cash. Boire pour les cash. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. J'écris le feu rouge, le poulet qui va avec. Écoute la mélodie du 9 mm. Tu connais le matricule, ça vient de Toulouse. On avance, tu recules, ils y passeront tous. Mes pages noircies sont fines